Nicolas Xavier Ladouze, vous êtes en quelle couleur ce matin? Je suis en bleu. Ah Il y a un clan, c'est et bon. Oui, exactement. Et en plus, pantalon et polo, s'il vous plaît. Alors, la couleur du ciel, c'est la question, évidemment. Eh bien, on aura des éclaircies, certes, mais aussi et surtout des averses qui vont déferler sur la Belgique depuis la mer du Nord vers le Sud-Est. Avec de l'air d'origine polaire aussi qui circule chez nous. Du coup, on ne va pas dépasser 13 à 14 degrés en Ardennes, 16 à 18 degrés ailleurs. Et on va avoir un vent de Nord-Ouest assez désagréable. Il va devenir modéré et il va renforcer la sensation de froid. Vous écoutez Viva, il est 8h et à la une de l'actualité ce matin, les camionneurs en colère, ils le sont toujours. Oui, les routiers n'ont pas fini de protester contre la fameuse taxe kilométrique. Nous sommes toujours confrontés à des problèmes opérationnels, des factures qui ne fonctionnent pas. Et donc dans ce contexte, l'UPTR ne baisse pas les bras, loin de là, et la rentrée va être juridiquement et judiciairement chargée. Avec une action annoncée au pénal, cette fois concernant la protection de la vie privée. Plus de 700 enfants se sont perdus à la côte belge en juillet, du fil à retordre pour les sauveteurs et qui ont développé différentes techniques pour les retrouver. Engager du personnel via Facebook, la tendance se développe dans les restaurants pour répondre aux pics d'affluence liés à la météo. Le Portugal en proie aux flammes dans le nord du pays, mais aussi sur l'île de Madère. Des milliers de pompiers, notamment venus d'Espagne, sont mobilisés. Et puis 3 victoires d'affilée pour les Red Lions à Rio. Nos hockeyeurs se sont hissés en quart de finale cette nuit après avoir battu l'Australie. Les camionneurs n'ont donc pas dit leur dernier mot contre la taxe kilométrique. Cette redevance d'application depuis le 1er avril fait l'objet d'une série d'actions en justice. Les routiers dénoncent des bugs à répétition, un système de facturation opaque et complexe. Et dès la rentrée, l'Union professionnelle du transport et de la logistique compte attaquer au pénal. L'UPTR qui se base sur un nouvel argument, celui de la protection de la vie privée. Les explications de Barbara Chal. Grâce à un système de boîtiers embarqués, le trajet des camionneurs est enregistré. C'est ce qui permet de calculer la redevance qu'ils devront ensuite payer. Être géolocalisé en permanence, c'est une atteinte à la vie privée pour Michael Reul, le secrétaire général de l'UPTR, l'Union des transports et de la logistique. D'autant plus que les camionneurs ne seraient pas les seuls concernés. Il faut savoir que le système scanne les plaques de tous les véhicules avant de faire une sélection. Certains automobilistes auraient ainsi eu la surprise de recevoir chez eux une amende destinée aux camions. La société Satellique qui exploite le système dément fermement. Non, les plaques des automobilistes ne sont pas systématiquement flashées. Oui, cela a pu arriver, mais il s'agirait plutôt de dysfonctionnements isolés. Mais la vie privée n'est que l'un des angles d'attaque de l'Union des transports devant les tribunaux. Manifester le mécontentement des transporteurs devant cette taxe imposée, c'est à présent une question de fierté. Quelque part, oui, l'UPTR continue ce combat également pour qu'on nous dise peut-être un jour qu'effectivement ce qui a été fait tel qu'il a été fait n'était pas la bonne manière de travailler. Un retrait pur et simple du système est aujourd'hui tout à fait improbable et l'UPTR le sait bien. En somme, à ce stade, l'objectif de l'organisation, c'est plutôt d'avoir le dernier mot. Yann Yambon rencontre ce matin les syndicats policiers. Le ministre de l'Intérieur discutera encore sécurité après l'agression à la machette de 2 policières à Charleroi samedi dernier. Il leur expliquera pourquoi l'OCAM, qui analyse la menace, n'a pas relevé le niveau de sécurité des commissariats depuis. Yann Yambon reviendra aussi sur la réunion d'hier avec l'OCAM et la hiérarchie policière. Il y a notamment été question d'uniformiser les mesures de sécurité pour chaque commissariat, et tout en laissant les chefs de corps estimer le risque. C'est un phénomène qui se répète chaque été à la côte belge, les enfants qui se perdent. Mais oui, avec les foules qui débarquent sur les longues plages dès que le temps est au beau fixe, on dénombre plusieurs dizaines d'enfants perdus par jour d'affluence. Et c'est du travail évidemment pour les sauveteurs chargés de les retrouver et de rassurer des parents affolés. Et des sauveteurs qui ont développé des techniques pour répondre le plus vite possible à ce genre de situation. Le reportage à Blankenberg de Thierry Van Gulik. Un moment d'inattention des parents, une vague qui déporte l'enfant, qui perd du coup ses repères visuels, et c'est l'angoisse. Une situation à laquelle Tom Cochler, responsable des services de secours de Blankenberg, est souvent confronté. Ici à la Blankenberg, on a 25, 30 000 personnes sur la plage quand il fait beau. Hein. Alors c'est pas difficile pour un enfant pour être perdu. Hein. Certainement, quand on a le mari bas ou quand on a beaucoup de vent, ça se passe très très vite. Hein. Quand les parents ne voient pas, bah, ils sont perdus. Hein. Plus de 700 enfants ont connu cette mésaventure sur la côte belge rien que pour le mois de juillet. Ici à Blankenberg, on en compte une trentaine par jour. Mais depuis plusieurs années déjà, les enfants peuvent porter un bracelet d'identification. On a sur toute la plage de la côte belge, on a des bracelets gratuits. Hein? Le numéro de GSM, les parents, et on fait le nom de cet enfant. Hein? Et cette petite fille sait déjà très bien ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Quand on a notre bracelet, eh ben, il faut aller près de maître nageur pour qu'il téléphone à nos parents. Les sauveteurs disposent aussi de caméras qui permettent de repérer les enfants isolés et dans les cas extrêmes, plutôt rares, de l'aide d'un hélicoptère. Mais jusqu'ici, tous les enfants perdus ont été retrouvés sains et saufs. 8h05, l'été qui est aussi la saison propice aux factures impayées, des factures qui peuvent parfois coûter très cher. Oui, les frais de rappel, les indemnités forfaitaires, les intérêts de retard ou l'intervention d'une société de recouvrement, voire d'un huissier. Le coût de votre facture peut vite s'envoler, parfois abusivement. En Belgique, les entreprises décident de ces coûts à leur guise. Testachat réclame une nouvelle loi qui préciserait ces frais et les délais de rappel. Écoutez Julie Frère, porte-parole de Testachat. Comme la loi est très floue, elle ne parle que de la réparation du dommage prévisible raisonnable, eh bien on peut un peu mettre tout ce qu'on veut derrière ce concept et donc on peut demander 15 euros pour une lettre de rappel, 20 euros et donc on est vraiment dans le cas par cas et ce n'est que si le consommateur va dire vous exagérez, 20 euros pour une lettre de rappel, je trouve que c'est disproportionné que éventuellement l'entreprise va changer d'attitude. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le temps, le réflexe et qui ne connaissent pas leurs droits et qui vont donc payer des sommes qui sont tout à fait disproportionnées. Et ce qu'on voit aussi, c'est que parfois on nous réclame des dettes qui datent d'il y a plusieurs mois, d'il y a plusieurs années, on n'envoie aucune pièce justificative et donc on ne sait même plus à quoi se réfère cette dette et c'est pas toujours évident d'obtenir ces documents justificatifs. Donc il faut payer sa dette évidemment, il y a un dommage qui est subi quand on paye en retard, il doit être réparé, mais tout ça doit être fait dans une mesure tout à fait raisonnable. Des propos recueillis par Nicolas Loïc. Moins de 30% de rendement par rapport à l'an dernier, les cultivateurs l'affirment. La Belgique connaît sa pire récolte de blé depuis 30 ans. En cause, la mauvaise météo, une situation catastrophique vécue aussi par la France ou l'Allemagne. Par contre, pour les autres gros producteurs comme le Canada ou les États-Unis, l'année a été plutôt bonne, ce qui se répercutera sur le prix des céréales en forte baisse et aux grandes dames des producteurs belges. Une tendance, et même la tendance qui émerge cette année dans le monde de la restauration à Bruxelles, engager du personnel via les réseaux sociaux. De plus en plus de restos ont recours à des groupes Facebook pour appeler de jeunes serveurs. Un procédé efficace, dit-on, pour répondre à une soudaine hausse de fréquentation lorsque le soleil et les terrasses sont de retour. Un outil qui intéresse aussi les entrepreneurs. Maxime Binet l'a testé pour nous. Dans le monde de la restauration, les journées sont intenses et longues. Alors qu'il faut trouver du personnel, pas le temps de chercher midi à 14h. Thomas Lambert, responsable d'un restaurant, a engagé plusieurs serveurs via un groupe Facebook. Ce qui est nouveau, c'est que ça nous permet d'avoir beaucoup plus de candidats de qualité. Donc ça nous permet vraiment d'avoir des candidats qui peuvent venir nous dépanner quand il fait beau. Depuis ces deux derniers mois, plusieurs groupes de ce type se sont formés. Ariane vit à Bruxelles depuis 3 mois. Et a postulé pour une place dans ce restaurant via une annonce vue sur les réseaux sociaux. Ah, moi, c'est la première fois que je fais ça sur Internet. Bah, je trouvais ça très pratique, en fait. Et bah, on se rend compte qu'en fait, beaucoup de monde, maintenant, recrute par Internet aussi, quoi. Un service sur la toile qui intéresse aussi pas mal d'entrepreneurs. Benjamin Rousseau a créé son groupe Facebook intitulé Waiters. Pour lui, il s'agit surtout d'une phase de test en vue d'élaborer une application smartphone dans les prochains mois. On pensait plus intéressant de créer un groupe pour simplement comprendre quels étaient les besoins du marché et après coup, imaginer au mieux le fonctionnement de cette application. Un service bientôt payant, mais plusieurs startups sont aussi sur le coup. Au moins 2 applications concurrentes devraient voir le jour fin septembre prochain. L'actualité internationale au Portugal qui se bat contre les flammes. Oui, plus de 4000 pompiers sont mobilisés dans le nord du pays, mais aussi sur l'île de Madère, désormais touchée elle aussi par les feux de forêt. Le plan d'urgence a été activé dans la région de Porto et l'Espagne a renvoyé des renforts pour mieux lutter contre ces incendies à l'Inouavreille. Un Canadair espagnol est entré en action hier et en début de semaine, des pompiers espagnols ont été déployés au nord de Porto. Les deux voisins ont un accord qui va dans ce sens. Il faut dire que la situation devient critique. En tout tout le Portugal combat plus d'une centaine de feux. 7 sont de très grande ampleur, dont l'un à Águeda, au sud de Porto, où les habitants sont pris de panique. Nous ne pouvons pas dormir. Il y a des pompiers partout et nous avons peur. Le vent est maintenant plus fort, les pompiers sont ici. Nous avons une rivière des deux côtés, mais le feu fait rage au milieu dans la forêt. Si les flammes ont pu se propager aussi rapidement, c'est parce que les forêts étaient asséchées par des semaines sans pluie. Dans certaines régions, le mercure a atteint 30 degrés, dans d'autres plus de 40 degrés. Le vent souffle fort et change de direction rapidement, ce qui rend les opérations difficiles. Les images sont très impressionnantes sur l'île portugaise de Madère, au large du Maroc aussi. Des centaines de personnes ont dû être évacuées. Plusieurs maisons ont été détruites dans la région de Funchal, capitale de l'archipel. Au Brésil, le Sénat vient de décider de juger la présidente du pays. Un procès en destitution pour Dilma Rousseff, accusée d'avoir maquillé les comptes publics en 2014. Et c'est un pas de plus vers sa sortie définitive. Le jugement final devrait intervenir autour du 25 août prochain, soit quelques jours après la clôture des Jeux Olympiques. Et ce qui nous amène tout naturellement à 8h11 au 8-9 Sport, au jeu, la belle histoire qui continue pour nos hockeyeurs. Avec cette nouvelle victoire des Red Lions, la troisième d'affilée, ils se sont imposés 1-0 cette nuit face à l'Australie, première nation mondiale. Et pourtant, c'était mal parti. Tanguy Kozeins, le buteur, nous raconte pourquoi. On a eu un gros problème de bus puisque le chauffeur ne trouvait pas le stade. On était au stade de rugby à 7, pas dans le bon parking. On est ressorti, on est revenu. Donc voilà, on était, je pense que j'avais envoyé un tweet sur les réseaux sociaux comme quoi on était encore à 19h48 dans le bus. Donc voilà, je pense que c'est encore une bonne leçon et ça montre que l'équipe est bien occupée et que tout nous réussit pour le moment. Voilà, même si le plus important, ça reste le quart de finale, ça reste très positif et très bénéfique pour l'équipe et on monte en puissance. Donc voilà. Une interview d'Éric Libois. Le prochain match des Red Lions, ce sera jeudi contre l'Espagne. En tennis, David Goffin jouera contre Thomas Bellucci, 54e joueur mondial en 8e de finale des JO. Hier, il a battu l'Israélien Dudi Sela en 2-7. Élimination par contre de Kirsten Flipkens en simple et en double. Élimination surprise aussi de la numéro 1 mondiale et championne olympique en titre, l'Américaine Serena Williams, battue par l'Ukrainienne Svitolina. On en vient à la natation et la Belgique qui a terminé dernière du 4x200 mètres nage libre cette nuit, et Bivrouzakis. Effectivement, Catherine Koonen de Koning, Surgelos et Timmers ne devaient en théorie pas s'aligner sur cette finale, histoire de privilégier la fraîcheur de lui, Koonen, qui s'alignera en finale du 200 mètres papillon. Finalement, face à la pression, le relais s'est aligné dans un contexte forcément particulier. Glenn Surgelos. C'est dommage. On a plus de qualité que pour nager 7-11. On est plus fort. On n'est pas assez fort pour se battre pour une médaille, mais une cinquième place, c'est possible. On doit mettre un truc en place pour avoir plus de nageurs pour ces relais. Par 5, c'est pas assez. On doit avoir 6 ou 7 nageurs de bonne qualité et qui sont capables de nager super vite. Le relais belge termine dernier en finale, mais il a toutefois eu l'honneur très périlleux de défier la légende Michael Phelps, victorieux du relais, qui prend en passage sa 21e médaille d'or, lui Koonen. C'est magnifique, c'était un rêve, donc je suis très content et c'est bon pour le futur. Interview signée Françoise Aleski, a noté que Michael Phelps avait aussi pris l'or sur 200 mètres papillon. Le Belge Koonen s'était classé alors 8e. Peter Timmers a lui signé un véritable exploit, celui de se qualifier pour la finale du 100 mètres libre en battant son propre record de Belgique. Il retrouvera en finale un certain Michael Phelps. Merci Abby Brouzakis. Ah ben justement, Michael Phelps qui crée le buzz pour autre chose que ses 21 médailles. Son corps, vous l'avez peut-être vu, et on en parlait hier dans la revue de presse du 8-9, ses fameuses taches grosses violettes. Oui, ce sont des traces laissées par le cupping, autrement dit la thérapie des ventouses. C'est une technique utilisée en médecine chinoise et qui s'intègre dans des séances de rééducation ou d'acupuncture. Objectif, soulager les douleurs et accélérer la récupération. De plus en plus de sportifs testent cette méthode, mais elle s'adresse aussi à monsieur et madame tout le monde. Simon Gérard l'a testé pour nous chez Joëlle Blampin. Elle est acupunctrice près de Mons. Je vais vous demander de retirer votre pull et votre t-shirt. Les ventouses, moi, je les utilise en verre, elles existent en bambou. Et ce n'est pas exclusivement du tout réservé aux sportifs. Ça peut aller de la blessure chez un sportif, à l'arthrose chez une personne plus âgée, au traitement des rides. Est-ce que vous avez une douleur ? En fait, je me suis déboîté l'épaule il y a un mois. Sur votre épaule. Voilà, là on voit avec la... Ah oui, ça devient rouge rapidement. Voilà. Donc là, c'est le sang qui est aspiré. Mmh. Donc on va remuer le sang. Ce qui va produire bien souvent une petite ecchymose, ça permet une certaine régénération, récupération. Combien de séances il faut avant de se sentir mieux ? Il n'y a pas vraiment de réponse parce que de quand date la pathologie, est-elle aiguë ou est-elle chronique oui, et puis il y a tout un contexte aussi, quelqu'un qui est heureux dans sa vie va se remettre bien plus vite que quelqu'un qui a beaucoup de problèmes. Voilà, quant aux traces violettes, sachez qu'elles s'estompent après quelques heures, voire quelques jours, si ça vous intéresse. Eh bien, je suis moi-même médecin. Guillaume, vous souffrez de quelque chose ce matin ? Non. Ah, très bien, Julie, puis-je vous ausculter quelque part ? Non, pas par là, mais j'ai un peu mal à la tête. Mais elle est folle, Pierre, vous avez... Moi, je tousse, moi. Vous toussez ? La voix de Barry White, hein, pour l'instant. Ah ben, déshabillez-vous, alors voilà, 8h16, allumez vite là une télé, voici un nouveau 8-9. Non, habillez-vous quand même, Stéphane, RTBF Mobile Info. 33 minutes peut-être, oui. On va le voir pour les embouteillages. Il concerne essentiellement les alentours de Bruxelles et notamment des chantiers qui ralentissent les automobilistes aujourd'hui. Et si vous comptez rejoindre Anvers via le 19, via l'échangeur de Macquelen sur le ring de la capitale, eh bien vous allez perdre 10 minutes en direction d'Anvers. Également depuis Anvers vers Bruxelles, une dizaine de minutes supplémentaires ajoutées à votre temps de parcours. Le point rouge de ce matin, c'est une nouvelle fois le chantier qui est situé sur l'E40, l'autoroute de la mer entre Grand Bigard et Ostende, entre Herpomer et Wetteren. C'est pratiquement une heure supplémentaire avec des répercussions également sur la Nationale 9 à proximité de Mel. Sur le ring de la capitale, la circulation s'effectue assez normalement et même est plutôt fluide sur pas mal de tronçons à l'exception de la circulation intérieure entre Ytre et Grand Bigard ou entre Forêt et Bercelles. Bercelles et Forêt, vous ralentissez en direction de Grand Bigard. Une petite dizaine de minutes supplémentaires à ajouter à votre temps de parcours. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. En espérant que vous ayez encore un peu de temps avant le travail, vous nous emmenez où dans un instant, Pierre ? À Pétigny. Pétigny, c'est vendu dans 45 secondes. Cool, c'est les vacances. C'est le moment de découvrir la Seat de vos rêves. Pendant tout l'été, faites-vous plaisir. Rêvez Seat. Pensez Seat CHU. Garage Seat CHU à Chenay et à Herstal au rond-point Coron-Meuse. Découvrez aussi notre très grand choix de véhicules d'occasion. Seat CHU, le service en plus. Dès 11h, Vivacité aura un air de vacances. La 2, en télé. Retrouvez les actualités et les résultats des Jeux Olympiques dans Viva Rio Le Mag, dès samedi 14h sur la 2. Forestia, aventure au cœur de la forêt. Forestia.be. Le 8-9. Alors on fait quoi ce matin ? Il est 8h18, j'ai mon smartphone dans la main pour envoyer des SMS à la famille pendant le travail, mais aussi pour l'appli tout à l'heure. Oui, deux applis, un soleil risque pour contrer les mauvais UV du soleil, évidemment, ouais. Et après deux very last room pour choisir une chambre en dernière minute, en last minute. Vous savez que depuis ce matin, j'entends que c'est une journée automnale, hein, sauf que j'ai vu au-dessus de Viva un petit rayon de soleil. Les people sont en vacances. On vous emmène dans le sud de la France avec quelqu'un que vous allez adorer, vous verrez, et puis on ira à Ibiza aussi avec une star, mais une star internationale. Bah, qu'est-ce que vous en savez que je vais adorer ? Qui, je suis sûr, vous allez voir. Qui, attendez, je vais voir dans le papier. Ça commence par Cyril. Oh non. Encore. Mais non, mais. Je suis désolé. Mais alors, il se passe vraiment rien dans le monde, alors. Donc, on fait des sujets sur le soleil et sur Cyril Hanouna. Bon, eh ben, écoutez, je vais chez Pierre, alors, pour la, non pas la grande évasion, c'est à 9h, mais pour l'évasion express. Pétigny. Oui, il n'y a pas de soleil, donc on va aller dans une grotte à Pétigny. Pétigny, c'est sur la commune de Couvin. Je ne sais pas si vous voyez où ça se trouve. La botte. Et il y a les grottes de Neptune. Alors, elles datent d'il y a un million d'années. Elles ont été découvertes fin du 19e siècle. Et elles s'appelaient au départ les grottes de l'Adugeoir, qui est un mot wallon, qui signifie, je pense, là où l'eau s'engouffre. Parce qu'il y a l'eau noire qui s'engouffre dans la grotte. Ouais. Et aussi l'eau d'infiltration, comme d'habitude pour les grottes. Mais également la rivière. Et ce qui est particulier, c'est qu'elle s'engouffre. Ça fait un torrent. Et puis elle disparaît dans un siphon. Elle réapparaît 3 jours plus tard. À Nîmes, Donc elle ressort et on connaît pas le trajet encore. C'est ça qui est génial. Et on sait toujours pas. Donc ils ont pas été sondés avec non, des trucs. Non, ils ont pas encore retrouvé le trajet de la rivière. À partir du moment où elle part dans le siphon, elle ressort de l'autre côté. Je veux pas me mêler, mais les plombiers normalement quand l'égout est bouché, ils mettent une caméra qui va dans les tuyaux. Ah, et... également, mais. Eh ben oui, ils ont pas fait ça là-bas. Non, je pense pas, non. Ok, c'est bon. Ils attendaient le 8-9 pour l'idée. Bon voilà. Bref, les grottes ça se visite. Il y a des visites pédestres, il y a des visites aussi en barque. Il y a un très beau son et lumière. Ça dure à peu près 45 minutes. Et si vous voulez faire aussi des petits trucs dans la région, il y a le musée de la vie rurale à Cul-des-Sarts, et puis aussi le célèbre bunker d'Hitler à Brûlis-de-Pêche, dans la région. Voilà. Et puis aussi, sachez que le 27 août, si vous voulez y aller, il y a la nuit de la chauve-souris aux grottes de Neptune. Et on peut les approcher ? Oh bah écoutez, ça dépend. Si elles viennent, oui. Ça dépend. Mais bon. C'est parce que. Ça creuse dans les cheveux, mais chez vous, il n'y a pas de problème. Mais non, mais je suis en train de réfléchir. Quand on arrive et qu'il y a du monde, je suis en train de réfléchir en pensant à Péridesa. Je ne sais plus si les chauves-souris se cachent ou si elles viennent. C'est pour ça que je suis distrait. Ben, c'est dans le noir, donc à mon avis, elles volent dans le noir. Elles vous voient, mais vous ne les voyez pas. Mm-hmm. André, qui réalise et qui a une expérience de la chauve-souris, me dit qu'elles viennent. Vous avez déjà, Guillaume, caressé de la chauve-souris ? À part Batman, jamais. Vous avez en matière de tenue, vous avez le sosie à côté de vous. C'est Catherine Tonero. Et t'as Michel Catwoman. Ouais. Mi-chemin, voilà, Catwoman, Batman et exactement. Veuve sicilienne en même temps. Donc les infos pour arriver à Pétigny. Eh ben à Pétigny, c'est la route nationale 5 qui va de Charleroi à Couvin, puis c'est fléché. Si vous voulez plus d'infos, c'est sur le site 365.be. Et puis il y aura des places à gagner avec Marc Vernon tout à l'heure dans Vivre ici, sur Vivacité. J'ai un vague souvenir de voyage scolaire aux grottes de Neptune. Vous avez déjà fait, Guillaume, ou pas? Grotte de Han, oui. Grotte de Neptune, non. Okay, mais c'est alors, une bonne idée. Grotte de Han, oui. Grotte de Neptune, non. Julie? Non, jamais. À essayer, pourquoi pas. Ni Han, ni Neptune. Non, et j'ai jamais touché chauve-souris. Des chauves, oui, mais pas les chauves-souris. Ah ben, vous n'avez pas eu d'enfance, ok, Catherine Tonero. Pareil, tout comme Julie. Ni Neptune, ni Han. Ni Han, ni chauve, ni souris. Ouais. Mais enfin, il y a l'école, on vous a amené aux eaux d'Anvers, quand même. Oui, les eaux d'Anvers, ça on a fait. Quand même, elle a eu une enfance. Bon, 8h21, Best of Cactus. Nous étions ce matin-là, le 20 avril, et Georges-Louis Boucher était exclu du conseil communal de Mons. La confiance est rompue entre les socialistes et le chef de file du MR Montois, Georges-Louis Boucher. Eliodie Roupeau appelle à la dignité et ne veut pas polémiquer plus avant. Enfin, c'est votre ligne de conduite, m'avez-vous dit, monsieur. Enfin débarrassé de ce playboy de kermesse. Georges-Louis Boucher. Une arrogance doublée d'un physique de jeune beau du Borinage. On dirait le fruit des amours entre Stéphane Poels et Moji Baya. Non, pas du tout. Il est bon comme une valise sans poignet. Il vient me parler d'élégance, ce roquet hyperactif. Oui. Alors qu'il ne s'est plus rasé depuis 10 ans et qui ne pisse pas plus loin que son bureau des chemins des finances. Bah dites donc. Oh, je ne serai pas élégant. Moi, moi qui possède la plus belle collection de nœuds de toute la région et lui hier. Moi qui me teins les cheveux en noir jet l'été et en anthracite assombri l'hiver pour marquer le graphique des reflets. Je manque d'élégance. Calmez-vous. Hein, bon, on sent une certaine acrimonie chez vous. On voit que vous n'avez pas l'habitude d'être contesté au sein même de votre ville. Hein. Oh, mais pas du tout. Je respecte tous mes adversaires politiques et je suis entièrement d'accord avec tous ceux qui pensent comme moi. Hein, tiens, j'ai déjà entendu ça quelque part. Ce n'est pas le slogan de cette émission communiste. Non. Georges-Louis Boucher, un commentaire constructif sur Georges-Louis Boucher. Mais je n'en peux rien si celui-là a une haleine si fétide qu'on dirait qu'il a bouffé un cimetière. Ah bah merci. Bon, alors, monsieur Di Rupo, que va-t-il se passer maintenant? Je suis frétillant. Ah, je cherche un nouveau partenaire, plutôt un écolo, vous voyez, hein, bien bâti, genre grand chêne avec tous ses glands. Oui. Une écorce rugueuse qui ne se laisse pas abattre facilement. Oui, oui. Qu'il pleuve ou qu'il vente, il devra être dur et rester bien droit. Voilà. Mais j'analyserai aussi toutes les propositions des humanistes, bien sûr. Oui. Hein, c'est sans doute moins vert, mais certaines de leurs positions pourraient tout à fait me convenir. J'imagine bien. N'oublions pas que tous ces défroqués du CDH sont des anciens missionnaires. Vous connaissez leur maxime, hein? Oui. Ils veulent placer l'humain au centre de tout. Alors que moi, j'aime placer le tout au centre de l'humain. Contre nature. Oh là là. Ou alors, un mélange des deux. Un humaniste vert, oui. Hein, un vieux cateau avec une bite oui, en oui, bois. Oui, ça, bon, on va arrêter parce que la police va nous balancer en cellule pour perpète, là. Hein, donc, voilà. Qui amène merce du Roupeau. Pire que ce gouvernement de gamins de merde qui se comporte comme des gamins. Monsieur Goblet, on vous donnera la parole tout à l'heure, monsieur Goblet. Cordon aux gamins. Non, monsieur Goblet. Bon, alors, monsieur Michel, une réaction à l'éviction de Georges-Louis Boucher, peut-être. Je dois vous avouer que j'en ai un petit peu assez d'éteindre des incendies tout le temps, comme ça, partout. Oui, j'imagine bien. Bon, je proposerais bien à Jacqueline Galland de reprendre le poste de Georges-Louis aux finances de Mons. Je me demande si c'est une bonne idée. Je sais pas. Eh bien, en fait, oui. Si elle s'occupe des finances d'une ville qui est gouvernement par des socialistes, c'est faire coup double. à contenter Jaja avec un nouveau poste et couler définitivement Monge. Ah, oui. Mais je suis un génie. Mais oui. Mais oui. Bart, ik ben een flemmoutch. Oui, bon. Un petit peu surréaliste ce qui se passe ce matin. Ah, ça, je crois. Et on dit que je parle pas bien le néerlandais, hein. Pour que Monsieur Michel cesse de se plaindre, hein, moi aussi, j'ai des problèmes en ce moment. Beaucoup d'amis vont très mal. Yvan. Oui, oui. Ah, mon pauvre Yvan, qu'on refuse obstinément de nourrir. Oui, c'est terrible. C'est terrible, vous savez, voilà un homme qui est obligé de cuisiner lui-même pour ne pas s'ennuyer, vraiment. Et Paul. Paul à Charleroi, mon pauvre Paul, tous les chantiers en travaux dans sa ville sont stoppés. Des dizaines de travailleurs au nom. Oui, enfin des migrants exploités. Oui, c'est pas des migrants. Enfin, des clandestins. Non, c'est pas. Enfin, bon, soit, et à Serein, Alain Matteau, Alain, mon ami, mon frère, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'immunité. Ah. Vous savez ce que j'ai envie de lui dire? Ah ben non, ben dites-moi, monsieur Diroupeau. Que c'est un gamin de merde. Oui, oui, du Cambre, oui, oui, Spaclet, Jambon, Franquien, oui, de nouveau, là, Belot, oui, oui, tous bon. Ces gamins de merde. Monsieur Gobelet. Et puis Maréchal, oui. Oui, non, ça va, bon, monsieur Gobelet. Oui, vous, gamin de merde. Vous êtes de mauvaise humeur, c'est incroyable, hein. Oui, je suis de mauvaise humeur de gamin de merde, et tu sais pourquoi? Non, dites-nous. Parce que cette année, à cause de ce gouvernement de droite de gamin de merde, le 1er mai tombe un dimanche, ah, ça c'est vraiment un calendrier de merde. Ah bah oui, bon ben voilà, ben, monsieur... Ah ben vous savez, il n'a pas tort, tout fout le camp. Même à ce voice, vous avez vu? Une femme! Insensé, hein, vraiment. Mais enfin... Ah ben du coup, ça m'a donné envie d'aller voir quand tombait le 1er mai de l'année prochaine, en 2017. Vous avez dit ce sera le lundi. Oui, ce sera le lundi 1er mai. Ben, normalement, oui. Ah, c'est bien. Donc ça veut dire qu'on gratte un lundi, ça c'est bien. Et alors Noël, le 24, Noël, le 24 décembre, c'est quand ça tombe? Non. Ah, ben, ça tombe un samedi soir. Oh. Et ben, on peut pas tout avoir. Non. Et le 31, du coup, tombe... un samedi soir aussi, malheureusement. Bon, le cactus est à revoir, notamment via la page vivacité.be. Et tant que vous y êtes, à la une du site ce matin, des amendes pour les piétons imprudents à cause du jeu Pokémon Go. Faites gaffe donc. Vous jouez, Guillaume? Est-ce que vous, je vous ai pas encore j'ai vu? J'ai commencé, je dois bien l'admettre. Oui. Ouais. Mais je joue hot. Donc de temps en temps, je ne me déplace pas pour jouer. Ouais. Et quand il y en a aux environs et que je n'ai rien à faire. Et il y en a autour de Viva ou pas? Ah ben non, Rayer, c'est mort. J'ai déjà arpenté les parkings. Du coup, Il y en a un au Metz. Il y en a un au Metz, au restaurant de la RTBF. Non, ça c'est le gars de la caisse. Et c'est pas du tout un Pokémon. C'est honteux ce que vous dites. C'est un leurre qu'on a mis là. C'est dégueulasse. Mais enfin, en plus, ils sont en train de nous écouter au Metz en ce moment. Vous serez interdite complètement. Vous savez que c'est l'avantage, c'est que des centres RTBF, il y en a partout en fédération Wallonie-Bruxelles. Donc il faut chercher. Ouais. Pierre, vous jouez? Non. Non. Julie? J'ai enlevé l'application. J'ai peur de passer trop de temps à faire ça, je suis désolée. Très bien, c'est comme les alcooliques anonymes. Alors les bonjour, PG, je m'appelle Julie. Voilà, on applaudit Julie puisqu'elle a... Bonjour Julie. Voilà. Elle est abstinente depuis un jour. Et vous, bon, laissez vos commentaires sur la page Facebook du 8-9 si vous le souhaitez. Dans un instant, le rappel des titres et la météo de ce matin qu'on dit au tonal. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges... Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Vivacité présente la Nuit des Étoiles à l'Eurospace Center ce 11 août. Retrouvez Cyril sur place dès 17h pour le 5 à 7. Venez observer le soleil, vous initier à l'astronomie et restez jusqu'au soir pour vivre la magie des étoiles filantes, nombreuses à cette date. Ce 11 août, tous à l'Eurospace Center, autoroute E411, sortie 24, pour la Nuit des Étoiles. Renseignez-vous vite sur eurospacecenter.be. Événement gratuit. Proximus présente le plus impatient des réseaux. Dis barbecue ce soir. Non, désolé, je peux pas. Bah, tu fais quoi? Ben, je dois acheter en ligne des entrées pour un festival, googler les paroles de wow wow wow, prendre des photos du paysage et les poster sur Instagram avec un filtre sunrise pour dire que c'est l'été, aller sur Tinder pour pouvoir enfin avoir une petite amie à inviter à la prochaine fête de famille que je dois mettre comme événement sur Facebook et faire du face swap avec des inconnus parce que c'est drôle. Il n'y a qu'un seul réseau qui soit le meilleur pour surfer et partager hyper vite. Le plus impatient des réseaux. Vérifiez sur proximus.be/qualité. Et tu sais que tout ce que je peux faire ici, je peux aussi le faire à l'étranger? Surfer et partager aussi en vacances. Proximus réduit les tarifs roaming pour ses abonnés jusqu'à 70%. Proximus, infiniment proche. Hérisson, tu te dandines sur les sentiers du Ravel. Tu louvoies, tu dodelines lorsque les journées sont belles. Tu dégaines tes piquants au moment où vient Manon, chevauchant son vélo blanc et pff, c'est la crevaison. Sur le Ravel, en tout temps, règne la loi du hérisson. Voilà pourquoi les AP Assurances vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurances, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Chérie, t'as mis le réveil ? Oui, 4 heures du matin. Oh, génial ! Bonne nuit. Les jus de fruits maternes, ça donne envie de se lever plus tôt ? Merci les fruits. Merci materne. Au rayon frais de votre supermarché. Nous rappeler Catherine l'actualité de ce mercredi. Troisième victoire des Red Lions à Lyon. Nos hockeyeurs se sont imposés 1-0 cette nuit face à l'Australie. La Belgique est donc qualifiée pour les quarts de finale. Yann Yambon rencontre les syndicats policiers à 10h ce matin. Le ministre de l'Intérieur discutera à nouveau sécurité après l'agression à la machette contre deux policières à Charleroi samedi dernier. Les camionneurs remettent le couvert contre la taxe kilométrique. L'Union professionnelle du transport annonce une action au pénal à la rentrée. L'UPTR qui estime que le système ne garantit pas la protection de la vie privée. Et puis le Portugal en proie aux flammes dans le nord du pays, mais aussi sur l'île de Madère. Désormais, des milliers de pompiers sont mobilisés avec des renforts venus d'Espagne. Ah, c'est pas funky. Donc, nébulosité variable, surtout si vous êtes sur le nord du pays. Coup de tonnerre qui n'est pas à exclure. Dans le courant de l'après-midi en soirée, le temps redeviendra progressivement sec. Ça finit par une bonne nouvelle. 18 degrés de maxima. Il est 8h30. Et on s'informe. Bonjour Anne Poncelet. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. D'importantes rénovations vont être menées au campus du Sartilement. L'Université de Liège lance en effet un vaste programme d'amélioration énergétique, à commencer logiquement par les bâtiments les plus anciens, les premiers auxquels les étudiants ont eu accès, voici presque un demi-siècle, les instituts de physique, chimie et botanique. L'appel d'offres vient d'être publié, Michel Gretry. L'université dépense chaque année 3 millions pour chauffer les divers bâtiments du Sartilement. Les instituts de physique, de chimie et de botanique représentent à eux seuls 20% de la consommation. Ils datent du milieu des années 60, ils ont près de 50 ans. Pour les rendre moins énergivores, il ne suffit pas de remplacer les châssis de fenêtres. Il faut les isoler totalement, thermiquement, par l'extérieur. Des subventions européennes ont permis de mener des études pour que l'emballage modifie le moins possible l'aspect esthétique. Dans l'un des cas, c'est un bardage en bois de récupération qui va rappeler l'actuel béton brut de décoffrage. Ailleurs, ce sont des panneaux qui agglomèrent des déchets de carrière qui vont habiller les façades parce que le cahier des charges privilégie l'usage de matériaux de remploi. Ces trois chantiers représentent un investissement d'une quinzaine de millions. Les entrepreneurs intéressés ont jusqu'à la fin septembre pour se manifester. Des clauses sociales sont prévues pour éviter la concurrence de pourvoyeurs de main-d'œuvre à bas coût. Il reste à voir si les sociétés liégeoises du secteur de la construction sont aptes à relever ce défi. L'Université de Liège qui est aussi mobilisée aux côtés d'Amnesty International. Les deux institutions appellent a tweeté pour Amit Babaï ce mercredi à partir de 18h30. François Bréban. Oui, Amit Babaï, c'est un doctorant en finance de l'ULG. Il est iranien, il est en prison en Iran depuis décembre 2013. Les services de renseignement de son pays d'origine lui avaient demandé d'espionner les étudiants iraniens en Belgique. Amit Babaï avait refusé. Le tribunal révolutionnaire l'a condamné à 6 ans de prison pour atteinte à la sécurité nationale par la communication avec des États hostiles, c'est-à-dire la Belgique. Les tweets que demandent l'université et Amnesty International visent à obtenir la libération d'Amit Babaï. Nous nous rendons à Banneux. Comme chaque année, le site Marial accueillera des milliers de pèlerins ce 15 août. Mais le site est ouvert toute l'année et il possède de nombreuses infrastructures à entretenir. Un bâtiment pour 350 malades et accompagnants, un centre d'accueil pour une soixantaine de pèlerins, sans compter ses nombreuses chapelles et pavillons. Une sorte de petite entreprise, donc gérée par Léon Palme, le recteur du sanctuaire. Sa fonction, faire respecter l'esprit du lieu et assurer la survie économique. Un reportage d'Éric Dagonier. On fait confiance à la Providence. Mais je dis souvent aux gens, mais la Providence, c'est vous. L'argent ne tombe pas du ciel, même pas à Banneux. Et nous vivons grâce à la générosité des gens. Nous avons la possibilité de donner l'attestation fiscale pour tout don égal ou supérieur à 40 euros. C'est combien ? 55. Je peux vous demander ce que vous faites, madame ? Je vais mettre une bougie, monsieur. C'est aussi une manière de soutenir le sanctuaire qui doit fonctionner. C'est pas mon but, c'est plutôt que la Vierge nous protège. C'est ça notre but, oui. Et je vais en mettre 4 parce que j'ai 4 enfants. On y trouve du réconfort. Voilà, c'est surtout ça. Il y a beaucoup de bougies qui brûlent ici au sanctuaire et le don qui est fait pour faire brûler cette bougie nous aide à couvrir beaucoup de frais. Nous avons quand même plus qu'une vingtaine de personnes qui travaillent chez nous à temps partiel, à temps plein. Et à la fin du mois, ils méritent leur salaire. Voilà, et maintenant tu peux prendre une bougie pour maman. Et à deux pas, à Esprit-Mons, 15 sculpteurs sont à l'œuvre dans le cadre des 23e rencontres internationales de sculpture. Des artistes venus du Portugal, de Pologne, de France, d'Autriche, des Pays-Bas et de Belgique. Et d'ici la fin du mois, chacun doit travailler un bloc d'un demi-mètre cube de petit granit. Le public, lui, peut assister au travail des sculpteurs. Vincent Bruchet et Martial Giraud se sont, eux aussi, frottés à la poussière. Face à son bloc de petit granit, Gadadhar Ojha, un sculpteur indien établi à Paris. Je réfléchis, qu'est-ce que je fais, quoi. Vous n'avez pas encore tout à fait décidé de ce que vous alliez faire? Non. Parce que des fois, je parle avec Pierre. Vous parlez avec la pierre? Ouais. Et elle vous répond? Oui, bien sûr. Elle répond toujours, moi. C'est la pierre qui va vous inspirer ce que vous allez sculpter? Oui. Florence Dufrane, du musée de la pierre de Esprit-Mons. Ils vont choisir le bloc de pierre qui leur convient en carrière. Soit ils ont un projet précis et ils choisissent leur bloc en fonction de leur projet, soit ils n'ont pas de projet précis et en fonction du bloc qu'ils ont choisi, alors ils vont développer un projet. Il y a deux approches, ça dépend un peu des sculpteurs. Il n'y a pas de concours parce que ça permet des échanges beaucoup plus riches et beaucoup plus conviviaux entre les sculpteurs et entre les sculpteurs et le public. Le sculpteur bruxellois José Sahagoun est un habitué des rencontres de Esprit-Mons. C'est primordial de pouvoir participer à ce genre d'événement parce que la sculpture est un art de solitaire. Et donc on est seul à la maison, on est confronté avec nos problèmes. Là, dans le cadre du symposium, on peut partager nos problèmes et s'aider mutuellement. Donc c'est très très important d'acquérir une certaine expérience dans ce genre d'événement pour pouvoir continuer à travailler tout au long de notre carrière. En tennis, on connaît l'adversaire de David Goffin en huitième de finale dans le tournoi olympique. Il s'agira du Brésilien Thomas Bellucci, classé 54e mondial. Le local de l'étape, si l'on peut dire, ce sera pas facile pour David. Très bonne journée à notre écoute. Et sur les routes, ça raconte quoi? RTBF Mobile Info, Stéphane. C'est plutôt calme globalement ce matin, Benjamin. Il y a quand même quelques zones rouges, notamment les chantiers qui vous ralentissent. C'est le cas sur le 19 à partir de l'échangeur de Maquelone. Nous sommes donc sur le ring de la capitale. Et pour rejoindre Anvers, eh bien, il faut ajouter une dizaine de minutes. Une dizaine de minutes à ajouter également de Anvers vers Bruxelles, vers l'échangeur de Maquelone. Là où ça coince véritablement, c'est sur le 40, l'autoroute de la mer, à partir de Grand Bigard. Pour rejoindre Ostend, c'est plus 28 minutes en raison de ce chantier qui est devenu très célèbre au fur et à mesure des jours qui passent. Il est situé entre Herpemer et Wetteren. Et puis sur le ring de la capitale, une circulation qui n'est pas très difficile, même à l'approche du chantier d'Anderlecht, puisque vous perdez à peine une dizaine de minutes entre Ittre et Grand Bigard pour la circulation intérieure de ring. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et dans un instant, nous allons à Rio rejoindre Lise Burion pour parler de la nuit américaine. Dites les amis, un petit conseil entre nous, si vous voulez pédaler avec nous samedi, préinscrivez-vous sur rtbf.be/lebeauvélo, vous gagnerez du temps et peut-être une bicyclette en BA. La grande évasion commence dans quelques instants sur Vivacité. De 8 à 9, le 8-9. Mine de rien, c'est toujours l'été. Voilà pourquoi Guillaume nous amène quelques applis bien utiles tout à l'heure, dont celles liées au climat alors. Oui, on ira en France pour trouver le soleil et surtout se protéger du soleil. Ensuite, on essaiera de trouver une chambre en dernière minute. Vous pourrez nous trouver une chambre à moins de 20 euros pour le sud de la France ? Ça va être compliqué quand même. Vous pourrez nous trouver une chambre à moins de 400 euros pour la Côte d'Azur ? Ça, c'est possible. Ah, mais c'est quand même, il faut réfléchir quand même. Les people sont en vacances. Oui, on parlera de Cyril Hanouna, entre autres, et de Monsieur Johnny Depp. Ah, Johnny Depp, l'ex de... De l'autre, là. L'ex à... Ex-ex de ex Vanessa de Paradis. Ouais. Ah, déjà, ex-ex. Ah oui, puisqu'il y a maintenant l'ex-madame Amber Heard aussi, l'autre ex-madame Johnny Depp. Ça a tellement envie de ces ex. Vous en parlerez, vous verrez. Que j'ai loupé un truc. Et puis nous nous replongerons dans Ami Public, c'est le film de Kev Adams, qui sera donc notre invité tout à l'heure. Il était venu cette saison présenter ce film qui lui tenait très à cœur, puisque c'était un beau message de solidarité et d'aide à ceux qui ont moins, qui sont plus fragiles. Kev Adams sera donc avec nous tout à l'heure. Bien manger, c'est déjà gagné. Avec Deleuze, partenaire officiel de l'équipe belge. Vivacité. Les... les Jeux Olympiques de Rio en direct. Et à Rio, on rejoint ce matin Lise Burion, une de nos envoyées spéciales. Lise, une nuit américaine, c'est comme ça que vous la baptisez, une nuit américaine ces dernières heures. Oui, ça aurait plu à François Truffaut, effectivement, la nuit américaine, avec comme star Michael Phelps, on ne le présente plus, le nageur américain, multimédaillé, recordman absolu. Il a décroché cette nuit ses 20e et 21e médailles d'or aux Jeux Olympiques, sur 200 mètres papillon, tout d'abord, course individuelle, et puis en relais, 4 fois 200 mètres avec l'équipe américaine, Michael Phelps, star absolu. Donc, lui et aussi, maintenant désormais, son bébé, son petit... Boomer, il a 3 mois à peine, mais il est bien présent à la piscine. Et Michael Phelps n'a pas hésité entre les deux courses, après son podium du 200 mètres papillon, à aller embrasser son petit bébé, hein, Boomer, sa famille aussi, sa maman, sa compagne. C'était un grand moment d'émotion dans la piscine ici de Rio. Ses nouveaux titres donc pour Michael Phelps, ça porte son record aussi à 25 médailles olympiques, tous métaux confondus. C'est tout simplement énorme. Il était là pour marquer ses Jeux. C'est d'ores et déjà réussi et c'est pas terminé. Il a encore d'autres courses à disputer. Michael Phelps a noté aussi en natation cette nuit la belle performance de Peter Timmers. Le Belge s'est qualifié pour la finale du 100 mètres nage libre. C'est l'épreuve reine en natation. C'est un petit peu comme si un Belge allait affronter Usain Bolt en finale du 100 mètres en athlétisme. Et bien Peter Timmers, il affrontera les tout grands monstres sacrés de la natation. Il y aura pas Michael Phelps dans sa finale, mais un autre Américain, Nathan Adrian, qui est le champion olympique en titre sur la distance. Mètres nage libre. La finale, ce sera aux alentours de 4h du matin, la nuit prochaine pour vous. Ah bah vous nous raconterez demain. Alors on va rester dans l'équipe belge, dans le clan des Belges, parce qu'il y a une belle histoire qui est en train de s'écrire, c'est celle des hockeyeurs belges qui sont en pleine forme apparemment. Oui, en pleine forme, 3 matchs et 3 victoires. La dernière, c'était cette nuit. Pas n'importe quelle victoire, puisque c'était face à l'Australie, première nation mondiale. Les Belges sont 6e actuellement. Ils ont battu les Australiens 1-0. Un petit but de Tanguy Kossens à la 16e minute. Ça a suffi. Les Belges ont tenu. C'était pas leur meilleur match du tournoi, mais ils s'imposent face au numéro 1 mondiaux, les Australiens. Donc 3 matchs, 3 victoires pour les Belges, 17 buts marqués. Tout va bien pour eux, si ce n'est quelques petits soucis de route et d'embouteillage ici du côté de Rio. Enfin, pas spécialement d'embouteillage, mais c'est plutôt le chauffeur de leur bus navette qui les emmenait au terrain, qui s'est trompé d'itinéraire. Il les a amenés au terrain de rugby avant de les amener au terrain de hockey. Donc, ils sont arrivés simplement une heure à peine avant le début du match face à l'Australie. Pas de soucis, ils ont quand même réussi donc à s'imposer. Mais voilà, c'est un petit peu la conduite à la brésilienne. Ah ben c'est bien, ça leur fera des histoires à raconter en plus de la compète en revenant. Et puis, rapidement, Lise, un mot sur Dirk Van Tickle qui n'en finit plus de fêter sa fameuse médaille de bronze en judo, refaite. Oui. Oui, il avait déjà fêté cette médaille hier soir sur Copacabana. Mal lui en a pris puisqu'il s'est fait attaquer. En tout cas, l'un des membres de son entourage s'est fait voler son téléphone. Dirk Van Tickle a essayé de récupérer ce téléphone. Il s'est d'ailleurs pris un coup dans l'affaire. Petit œil au beurre noir pour Dirk Van Tickle, mais il n'y a pas de souci pour lui. Il continue quand même à fêter sa médaille avec notamment la délégation belge à la Casa Mosquito, l'hôtel réservé par le comité olympique belge pour fêter les médaillés. On l'a notamment vu plonger dans la piscine en compagnie de l'ancien championne olympique de judo Ulla Verbroek. De belles images, on a vu donc les talents d'acrobate aussi du judoka donc dans la piscine. Il n'en finit plus de fêter cette médaille de bronze. Allez, je vous conseille d'aller sur rtbf.be/sport, aller voir la photo de Dirk Van Tickle avec son œil au beurre noir. Il fait mal au cœur quand même. Ouais, bon, on est un peu triste pour lui quand même parce que c'était un beau jour et puis finalement il garde le moral parce qu'il tend sa médaille à l'objectif. Oui. Mais il a quand même l'œil au beurre noir. J'aurais mis la médaille là pour masquer le c'est que ce n'est pas un monocle. C'est une médaille de bronze. Bon, Lise Burion en direct des Jeux. Merci Lise et bonne journée ou bonne nuit. C'est selon. Dans un instant, les people en vacances et puis Kev Adams qui revient dans le 8-9. Loto présente le mois de Wout, semaine 2. Un deuxième volet aussi bien que le premier, avec à nouveau 500 000 euros ajoutés au jackpot. Ce mercredi, 1 500 000 euros à gagner. Jouer au loto. Attends, Jean, je sais que t'as envie d'un jus de fruits maternes, mais pas en pleine nuit quand même. Les jus de fruits maternes, ça donne envie de se lever plus tôt. Merci les fruits. Merci maternes. Au rayon frais. en télé sur la Une. Devoir d'enquête spécial été. Une collection de documents inédits, des révélations exclusives, des témoins privilégiés. Il n'est pas dangereux, il est super dangereux. Pour découvrir les dessous de l'actualité judiciaire, rendez-vous avec Devoir d'enquête chaque mercredi sur la Une. Dès 15h, Vivacité vous donne envie de vivre ici. Avec Marc Vernon, Philippe Delmel, Marion Jaumotte, Sylvie Honoré et Charlotte Verjans. Viva, 8h, 9h, le 8-9. 8h44, les people en vacances, vous me permettrez une perfidie, il n'y a vraiment rien, voilà qu'on reparle de Cyril Hanouna. C'est vrai, parce que Cyril Hanouna fait parler de lui, mais via notre invité ce matin. On aura l'humoriste préféré des adolescents, Kev Adams, ouais, qui sera là pour reparler du film Ami Public dans quelques instants. Eh bien, Kev Adams a eu une année super chargée, notamment la sortie de ce film, pas mal de choses en préparation aussi, et là il se permet des petites vacances à Cannes, sur la Croisette. Du coup, pas de photos de paparazzi avec des dames plutôt audacieuse, rien du tout. Non. On a été sur son compte Instagram. Il a pas mal d'abonnés, 4 millions d'abonnés. Et il a posté une petite photo avec, oh bah tiens, qui voilà, ça fait longtemps, Cyril. Voilà. Ils passent leurs vacances ensemble. En légende de la photo, Cyril Hanouna, mon pote, prépare des trucs de fou pour la rentrée. C'est vrai que la rentrée, ce sera déjà en passant par le musée Grévin. Les deux cocos, Kev Adams et Cyril Hanouna, auront leur statut de cire au musée Grévin tout bientôt. Voilà. Ceci dit, la photo est chaude parce qu'on dirait vraiment deux copains qui sont sur le bord de la plage. Pierre, hein, oui, c'est gentil, oui. Voilà, quand vous aurez une photo comme ça avec Guillaume, on saura que vous passez vraiment vos vacances. On a déjà passé des vacances. Ensemble. Pas des vacances, vous me racontez pas. C'était où, je la connais? Non. C'était dans les montagnes. Oui, c'était dans les montagnes françaises. Oh là là. Okay, ils ont un truc. Pour le boulot. Bien sûr. Hier soir, j'étais dans un hôtel avec une autre femme pour le boulot, bien sûr. C'est la bonne excuse, ouais. Johnny Depp, méconnaissable. Oui, parce que si on reconnaît la petite musique qu'est celle-ci, on pense directement à... Pirates des Caraïbes. Il est beau gosse, il fait rêver, il est sexy. Et bien là, il est arrivé à Ibiza pour faire la grosse fiesta, jet privé, il monte sur son yacht, paparazzi, forcément, était là. Et on le voit dans un look assez différent par rapport à d'habitude. Alors, je vous décris le bonhomme, les photos à voir aussi sur la Une en TV. Le gars débarque avec un grand poncho assez large, jeans, les cheveux rasés sur le côté, la crête et les lunettes aviateur. C'est horrible. Vous préférez ça ou le beau gosse de 21 Jump Street de l'époque, souvenez-vous? Oui, la vieille. C'est bizarre son look cheveux rasés quand même. J'aime pas trop. Et les dents non plus. Ont l'air aussi un peu abîmés, on va dire ça aussi. Comme ça. Ouais, il prépare un rôle ou un truc comme ça, non? Mais je lui souhaite parce que si le rôle de il prépare surtout son passage au tribunal pour son ex-femme, pas Vanessa Paradis, l'autre Amber Heard. Le pauvre malheureux. Et peut-être qu'il a besoin exact. Le look un peu sale qui ne s'en sort plus, ouais. Allez voir les photos si vous étiez amoureux. Non, si vous étiez amoureuse, n'allez pas. C'est ça. Si vous l'aimiez pas, allez-y, ça vous permettra de dire ah, tu vois. 8h46 et donc Kev Adams, à l'époque, était venu nous présenter Ami Public. Place à la modernité ce matin, parce que le film dont tout le monde parle, c'est le film de Kev Adams, ça s'appelle Ami Public. Mon frère va mourir d'un cancer. Merde, c'est grave. Faut qu'on réalise son rêve, on va organiser un faux braquage. Non, on saura rien, juste de quoi le faire kiffer. Un braquage, ça dure entre 5 secondes et 3 minutes. Ouais, c'est ça, comme dans Hit. Eh ben, le jeune homme qui est prêt à réaliser le rêve de son petit frère, il est là ce matin. Salut Kev Adams. Salut. Alors, vous mettez pas du tout la bande-annonce en entier, en fait? Ah non, parce qu'on a pas eu les moyens pour acheter l'intégralité, mais on a la plus grande spécialiste cinéma du... Aidez-moi. De l'univers, du monde entier. Voilà, Cathy est là, et Jérôme est là, et Sarah est là. Et je fais une parenthèse, après on parlera du film. Vous savez ce qu'ils ont dit dans Le Point de vous? Donc, il est allé chez Michel Drucker, Kev Adams, et dit, c'est un peu comme s'il passait un baccalauréat pour devenir grand. Genre, c'est une étape dans la vie de faire le canapé de Michel Drucker. Bien sûr que c'en est une. Et vous l'avez vécu comme un baccalauréat? Non, pas comme un baccalauréat, mais c'est vrai que c'est une vraie étape, c'est une étape importante pour un artiste. C'est quelqu'un qui est en France à la télévision depuis 50 ans maintenant. Ça n'existe pas beaucoup, hein, les animateurs qui sont à la télé depuis 50 ans. Le gars a tout connu, il a connu Claude François, Gainsbourg. Ouais. Et Kev Adams. Donc d'aller chez lui... Vous avez eu la trouille, sérieux? Bah justement, j'étais en train de vous répondre. Franchement, ouais. Dites-lui que je coupe la parole tous les deux mots. C'est vrai. Parce que lui, ça fait 62 ans qu'il est là et tout le monde essaie de s'en débarrasser. C'est vrai. Mais je connais le patron. Je sais pourquoi il coupe la parole. C'est pour ça. Parce qu'il est grand. Les grands à l'école, ils coupaient la parole déjà. Très très grand. Toujours. Et alors chez Michel Drucker, il a fait une déclaration d'amour à sa maman. C'est vrai. Et donc sa maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle bosse avec vous dans la boîte de prod. Vous avez engagé votre mère. Ouais. Et Et bah quoi? Bah c'est une bonne et c'est une bonne salariée, elle a une prime à la fin du mois, vous l'engueulez, quoi. Elle est comme tous les autres, ouais, exactement, tout va bien, elle travaille très bien, sinon elle aurait pas cette place, hein. Elle est là parce que c'est ma mère, effectivement, et que c'est bon d'avoir, je pense, un parent pour veiller sur soi, mais aussi parce que finalement, elle est très douée dans ce qu'elle fait, bien sûr. Qui ferait ça? T'engagerais ta mère? Mais j'ai engagé ma mère, elle fait toute ma comptabilité, je suis sûr qu'elle ne va pas m'arnaquer. Elle. C'est vrai? Oui. Le repassage, vous voulez non, dire? Non, mais c'est vrai, on a confiance là, donc. Cathy, vous engageriez votre mère? Oui, mais... Oui, très bien. Bon, engagez là, alors. Voilà. Mais pour faire les fenêtres, le repassage, des trucs un peu... Bon, allez, on se plonge mais dans... quelle vision vous avez des mères? C'est quand même horrible, sans déconner, quoi. Mais j'essaie de leur faire la cuisine, le repassage. Mais non, il n'y a pas que ça. Elle, qui fait votre linge? Votre mère ou c'est vous? C'est moi. Ah. Vous faites la machine? Non. Ok. J'ai la chance d'avoir une dame qui vient faire le ménage chez moi, qui lance les machines. Oui, c'est ma mère. Il y a juste à les lancer. Voilà, c'est sa mère. Eh ben voilà, en titre service. Bon alors, le film donc s'appelle Ami Public. On dit partout que c'est vraiment un grand moment parce que vous sortez de la case sketch, de la case adolescence, de la case Aladdin pour un vrai film avec le fond, parce que vous allez aider cet ami, enfin ce frère cancéreux. Vous avez vu le film, Cathy? Comment vous le trouvez, le petit Adams? Eh ben très très bon. Mais moi, Kev au cinéma, je suis convaincue depuis un bon petit temps. Fiston, moi j'avais adoré. Ça c'était avec Franck Dubosc. Ouais. Il faut quand même dire qu'en 2015, il a régné sur le box-office français avec à la fois Les Profs 2 et Aladdin qui ont été les films français les plus vus. Ouais, c'est dingue. 6 millions Aladdin ou 4 millions selon la police. 4 millions et demi. 4 millions et demi quand même, yes. Pas mal. Dingue. Yes. Ouais. Ouais. Mais c'est un très bon comédien, Kev, et de fait, ça fait du bien. Ça fait du bien de le voir dans un rôle plus adulte. Alors, je dirais pas que c'est son Ciao Pantin, qu'il va avoir un César l'année prochaine, mais je pense que ça ouvre une voie vers des rôles, pourquoi pas, un peu plus compliqués, s'il en a envie et si son public le suit aussi. Bah, c'est très gentil. Moi, c'est un rôle, effectivement, c'est pas Ciao Pantin, mais je trouve que c'est bien aussi de faire parfois de la comédie, comme vous l'avez dit, sur Aladdin, pour rire, juste pour rire, et pour y aller en famille et se marrer à fond. Et celui-là, c'est plus, je pense, pour rire et réfléchir. Ça fait rire et il y a du fond et je trouve ça cool aussi de pouvoir faire différents types de films. Attends, on fait comme s'il n'était pas là, je parle qu'à Cathy, les autres n'écoutent pas. C'est un truc larmoyant, pleurnichard, machin. Eh ben, je vous avoue que c'était ma crainte parce que quand on entend film de jeune avec un gamin qui a la leucémie, de la maladie, moi je trouve que ça fait a priori film hollywoodien, larmoyant et tout. Les violons, ici, c'est un film de potes avant tout. Alors il se fait que dans les potes, il y en a un qui est malade, mais c'est un film de potes, c'est un film très ancré dans l'air du temps aussi parce qu'on parle pas mal des réseaux sociaux. J'ai eu la trouille qu'elle dise non c'est nul, j'ai eu peur parce qu'il est quand même là. Le pote, bon c'est nul mais non mais il est vraiment ancré dans l'air du temps. Il y a des débats de société qui sont amenés à travers ça et on sent qu'ils sont bien amusés sur le tournage. Moi c'est ce qui m'a plu, c'est une espèce d'énergie positive qui se dégage comme ça et le petit Paul Bartel qui est super mignon, super craquant. Ouais il est super et puis c'est vraiment, je pense que c'est vraiment ça, c'est un film de potes, c'est bien dit dans le sens où c'est vraiment, on est vraiment des potes dans la vie en plus. Vraiment tout le casting de ce film. Il y a plein de gens qui nous ont dit mais c'est qui les gars, ils sortent d'où et tout ça. Bah c'est des vrais potes avec qui on bosse depuis longtemps et qui sont très forts et qui sont des super comédiens. Et donc c'est aussi pour ça qu'il y a cette connivence dans le film, qu'on se dit mais ils sont vraiment potes, ça se sent quoi, parce que ça marche quoi, c'est pas du mensonge. Et au final, c'est l'instant vérité, le fameux ami public. Qui a vu le film et qui l'a vu jusqu'au bout, Guillaume? Pas jusqu'au bout parce que je ne l'ai pas vu du tout. Ah, du tout, donc même pas le générique de début, Julie? Je ne pouvais pas, j'avais poney. Ouais, aussi, Pierre? Piscine, moi, piscine. Non, ouais. On va faire une séance de rattrapage si vous voulez. Ah oui, piratez-le et on le regardera ce soir. Non, achetez-le, achetez-le et on le regardera ensemble. 8h52 dans un instant, l'appli pour trouver un logement, mais surtout l'appli pour vous éviter les dangers du soleil, enfin pour un autre jour, dans un autre pays, enfin quand vous partirez. Vivacité présente la nuit des étoiles à l'Eurospace Center ce 11 août. Retrouvez Cyril sur place dès 17h pour le 5 à 7. Venez observer le soleil, vous initiez à l'astronomie et restez jusqu'au soir pour vivre la magie des étoiles filantes, nombreuses à cette date. Ce 11 août, tous à l'Eurospace Center, autoroute E411, sortie 24, pour la nuit des étoiles. Renseignez-vous vite sur eurospacecenter.be. Événement gratuit. Je sais que t'as envie d'un jus de fruits maternes, mais pas en pleine nuit quand même. Les jus de fruits maternes, ça donne envie de se lever plus tôt. Merci les fruits. Merci maternes. Au rayon frais. Et si l'épargne était réinvestie à 100% dans l'économie wallonne? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Cuisine Xina. Recevez jusqu'à 100% de réduction sur votre électro pendant le festival Cuisine. Conditions sur Xina.be. C'est bien pensé. Le 8-9. Vivacité. Bon, smartphone en main, GSM moderne en main, Guillaume, avec les applis de ce matin. On commence par Soleil Risque. Oui, alors donc le soleil, ben, vous l'avez compris, il n'est pas chez nous, malheureusement. Donc il faut peut-être aller en France, en tout cas dans le sud de la France. Imaginez, vous allez à Marseille. Vous êtes sur la plage, il fait très chaud, mais seulement vous ne vous y connaissez pas trop en tout ce qui concerne les indices UV. Mmh. Et bien là, c'est l'application qu'il vous faut, c'est Soleil Risque. Avec Soleil Risque, vous allez déjà, quand vous allez vous connecter sur l'application, en fonction de votre géolocalisation, c'est difficile à dire, on va vous donner l'indice UV dans la région où vous vous trouvez. Ouais. Et ensuite, vous allez avoir des petits conseils pratiques. Par exemple, si c'est un indice de 8 à 5, on va vous dire, ben, voyez, il faut adapter plus de crème solaire, il faut prendre une crème solaire de tel indice UV, etc. Si c'est plus, plus grand, un indice plus grand, on va vous dire éviter, par exemple, le soleil de 13h à 16h. Donc, en fonction de tout ça, vous allez pouvoir savoir ce que vous devez appliquer, si vous devez appliquer quelque chose, si vous devez vous protéger la tête également. Attendez, ce stade, deux questions. Ça marche que pour la France, que vous prenez l'exemple de Marseille? Alors, pour le moment, c'est que pour la France, puisque ça a été développé par les dermatologues français, donc c'est quelque chose d'assez sérieux, et par Météo France. Donc, ils sont en train de réfléchir, justement, bah, peut-être qu'en Belgique, pour l'instant, bah, c'est pas vraiment nécessaire, mais ils sont en train de réfléchir à l'adapter à d'autres pays proches, et justement, ils sont en train de contacter les services météo chez nous, les services de dermatologues. Mais est-ce que c'est fiable? Parce que la météo, on vous donne la météo dans un point, dans une ville, mais on sait bien qu'en Belgique, c'est trop petit, donc quand on donne la météo de Couvain, oui, on sait bien que c'est un peu approximatif. Mais ici, sur un territoire qui est un peu plus élargi, du coup, c'est un peu plus précis. Par exemple, je donnais l'exemple de Marseille. Ouais. C'est vrai que voilà, c'est sur Marseille qui est une ville quand même assez... Ils exagèrent toujours à Marseille. Ouais. L'indice UV à 7000. On va dire à Cannes ou à, je sais pas, ou dans une ville, voilà, on peut, ou en Provence. Mais ce qui est sympa aussi, c'est qu'en fonction de votre type de peau, vous pouvez répondre à un petit quiz. Et parce que voilà, imaginez, vous, Benjamin, vous allez à la plage, vous connaissez pas très bien le grain de peau, le type de peau que vous avez, et vous voulez savoir comment vous protéger. D'accord. Vous répondez à un petit quiz, et de là, ils vont vous dire, ben, attention, vous devez mettre une crème solaire indice UV 50 plus, imaginons, je ne veux pas vous vexer, mais imaginons 50 plus, et vous dire, écoutez, renouvelez cela, renouvelez l'exercice toutes les 2 heures ou toutes les 3 heures, si vous allez à l'eau, etc. Donc c'est quand même pas mal. Pour le moment, il y a 300 villes en France qui sont répertoriées, et aussi la dernière petite astuce, c'est que si vous avez un petit problème en vacances, ils vous répertorient également les dermatologues qui se trouvent dans la région. Donc ça peut être quand même assez sympa. Sauf qu'après, on sait bien qu'il faut un mois pour avoir un rendez-vous chez un dermatologue. Surtout en vacances. Et on préfère toujours aller chez le médecin près de chez soi. Ça sera pour votre retour. Vous avez une peau de rousse, Julie, ou pas? Oui, quand même. Oui, vraiment. Donc vous devez faire gaffe. Oui, la crème, on protège. Voilà. Mais c'est pas plus mal. Pierre, il est... Ah, allez, vous avez une peau... Ah, allez. Ouais, mais j'ai un grand front, donc ça prend bien aussi. Il pense beaucoup. Ok, suivante. Verilastrum, c'est pour trouver une chambre en dernière minute. Voilà, donc ça, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, hein, de soit par coup de cœur, ou soit par accident, vous retrouvez dans un endroit où vous ne deviez pas séjourner. Eh bien, la Verilastrum, on est foutu chez soi, peut-être aussi. C'est un very last minute. L'application va vous trouver un hôtel. D'accord. Va essayer de vous avoir des réductions, un petit déjeuner, peut-être une grasse matinée prolongée. Donc, ils essayent vraiment de vous trouver la formule la moins chère possible. Ça marche, c'est testé et approuvé. Donc, vous voulez dire que c'est Booking, quoi. C'est Booking sous un autre nom, quoi. Oui, mais c'est le côté vraiment last minute. En fonction de là où vous vous trouvez, ils vont voir les chambres qu'il reste. On est géolocalisé, le plus proche possible. On est géolocalisé, exactement. Et vous avez regardé, il y avait des bons trucs à Booking. J'ai regardé du côté de Bruxelles, ici. Ouais. C'est pas mal parce qu'il y a pas mal de réductions, et comme je disais, il y a pas mal aussi de petits trucs en plus. Ce petit déjeuner qu'ils offrent gratuitement. Ah, okay. Ou alors parce que comme la chambre n'est pas prise, du coup, ils sont un peu obligés de donner un service supplémentaire, la petite grasse mat, genre voilà, un last check out, comme on dit. Et c'est moins cher que Agoda, Booking et tous les autres. Bon, vous voulez pas d'être tatillon, mais comme beaucoup les utilisent en vacances pour l'instant, ce serait moins cher que ces deux-là. Je crois que c'est vraiment le côté où si on se retrouve vraiment dans un endroit et qu'on veut vraiment avoir quelque chose le plus dans le périmètre le plus proche possible. Parce que vous savez que c'est comme ça qu'on se situe. Hein. Vous êtes Julie, Agoda, ou vous êtes Booking? Plutôt Booking. Ouais. Plutôt Booking. Pierre, quel nom d'homme êtes-vous? Ouais. Booking aussi. Ouais, Guillaume en général. Verilastrum. Il est malin. C'est vend sa cam. Un autre genre d'homme. Évidemment, on vous met toutes les applications et le nom sur la page Facebook du 8-9. Ça vous permettra de les essayer à l'aise à la maison. Redonnez le nom de la première pour ceux qui partent en vacances. Soleil Risque. Soleil Risque. On ne risque pas ici en Belgique, mais c'est Soleil Risque. Ouais. Ah, voilà. Ben, non, vous savez qu'on arrive au week-end du 15 août, et que donc il y aura beaucoup de départs et beaucoup de last minute peut-être. Merci Guillaume. Dis, votre partenaire pour l'été. Solaire mini format premier soin. Tout est chez Dis. Dis, faites-vous plaisir. Zéro risque, Nicolas Xavier Ladouze. Ça, au moins, c'est une bonne nouvelle. Ah ben écoutez, voilà, par contre, risque d'averse aujourd'hui, ça c'est la moins bonne avec cet air froid d'altitude qui génère pas mal d'instabilité, comprenez par là, des développements d'averses qui vont nous concerner toute la journée. Ces averses seront entrecoupées d'éclaircies, encore assez belles par endroits, comme au sud du Sion-Sambre-et-Meuse, côté Namurois pour l'instant. Et cet air d'origine polaire nous donnera aussi des températures maximales bien basses, 13 à 14 degrés seulement en Ardennes, 16 à 18 degrés ailleurs. Ensuite, la nuit prochaine sera très froide pour la saison. Le ciel se sera alors bien dégagé en soirée. Du coup, les températures vont redescendre. On attend de 3 à 5 degrés seulement en Ardennes, 7 à 12 degrés sur les autres régions. Brumes et brouillards pourront se former sur la Haute-Belgique. Ensuite, demain, le ciel va progressivement se charger le matin. Des nuages nous amenant de faibles pluies, surtout en cours d'après-midi. Le vent sera encore assez soutenu demain avec de 14 à 20 degrés. Donc, ça remonte progressivement. Et puis, la montée des températures se poursuivra en fin de semaine. Amélioration au programme, surtout pour le prochain week-end, dimanche et lundi, eh bien on attend deux très très belles journées. On devrait dépasser les 25 degrés sur le centre du pays. Complet vous fûtes, la grande évasion après les infos de 9h. Cette année, pour la route des vacances, j'ai tout prévu. T'as juste oublié un truc, on n'a pas de voiture. Restons zen. Jusqu'au 31 août, il y a les offres exceptionnelles prêtes à partir sur des Citroën neuves, suréquipées, immédiatement disponibles. À découvrir sans tarder sur citroën.be. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Très bonne journée, vous écoutez Vivacité, il est 9h. Et voici le journal avec Nathalie Servet. Bonjour Nathalie. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Les camionneurs toujours en colère contre la taxe kilométrique. Oui, plusieurs actions en justice sont déjà en cours contre cette taxe mise en place depuis le 1er avril dernier. L'UPTR, l'Union professionnelle du transport et de la logistique, compte cette fois porter plainte au pénal. Une plainte pour non-respect de la vie privée. Michael Reul, secrétaire général de l'UPTR, estime en effet qu'être géolocalisé en permanence est une atteinte à la vie privée. Le système qui a été mis en place impose aux entreprises de transport d'avoir un boîtier, même quand ils sont sur un réseau qui n'est pas payant, qui oblige les transporteurs à être géolocalisés matin, midi et soir. Ça nous paraît être à la limite de la légalité. Il faut savoir que le système scanne les plaques de tous les véhicules, voitures compris, avant de faire une sélection. Les voitures sont scannées et donc géolocalisées, ce qui pose peut-être également pour les automobilistes un problème au regard du respect de leur vie privée. Michael Reul, secrétaire général de l'UPTR, joint par Barbara Schall. De son côté, Satellic, la société qui exploite le système, dément toute collecte systématique des données. Certains automobilistes ont effectivement pu être flashés, mais il s'agirait de dysfonctionnements isolés. Attention, si vous comptiez passer un long week-end, le long week-end du 15 août à Londres, le personnel d'Eurostar annonce une grève à partir de vendredi jusque lundi, ainsi que le dernier week-end d'août. On ignore pour le moment les conséquences directes sur le trafic reliant Londres à Bruxelles. Le syndicat dénonce la non-application par la direction d'Eurostar d'un accord pour assurer aux chefs de train un bon équilibre entre travail et vie privée. Les syndicats de police rencontrent dans une heure le ministre de l'Intérieur Yann Yambon. Ils discuteront des mesures de sécurité après l'attaque de deux policières devant l'hôtel de police de Charleroi. Il ne devrait pas y avoir de nouvelles mesures, mais plutôt une harmonisation des mesures pour l'ensemble des commissariats. Les syndicats de police devraient également obtenir des explications sur le maintien du niveau de la menace à 2+ pour les policiers. Hier, ce sont les chefs de corps des polices locales et fédérales qui ont été reçus au cabinet du ministre. Dénoncer les faux malades, c'est l'idée du SNI, le syndicat neutre pour indépendants. Il s'appuie sur la proposition de loi d'une députée NVA. Elle prévoit de créer un point de contact pour dénoncer les médecins qui délivrent de faux certificats médicaux. Le syndicat, lui, veut aller encore plus loin. Il souhaite que l'on puisse aussi sanctionner les malades qui trichent. Christine Mathéus, présidente du SNI. C'est une très bonne chose de taper sur les doigts des médecins qui délivrent trop facilement des certificats médicaux, mais le faux malade doit également être sanctionné. Il serait tout à fait normal et légal que le faux malade rembourse intégralement le salaire garanti qu'il a perçu durant ses jours de maladie. Ce genre